juste que j'ai affaire à les hypocrites, jamais je tolère. Changement d'humeur, tel un bipolaire. Entre moi c'est la de TikTok, je fais du mal à personne. Qu'est-ce que je m'en tape de ton avis, y'a que la Madrid qui me raisonne. Je fais ce que j'ai affaire, il en faut pour qu'on vénère. Changement d'humeur, tel un bipolaire. Au pays des boîtes, de moi je vais pas marcher tout droit. Je prends le meilleur des baveux, par exemple frère, sans fait les lois. Qu'est-ce qui m'arrive, je suis devenu lunatique. J'habite mon parc comme un flic, comme un dit. Y'a pas de chemin, bah j'ai fait le mien en marchant. Bah, je me débrouille bien, je suis l'apprenti et le patron. J'aime trop l'Espagne, c'est mon défaut. C'est bien dommage pour ta hacienda sur le dos. J'aime trop l'Espagne, c'est mon défaut. Harabat, c'est le mec, la police, y'a vraiment po. Quand je dédicace, ça la oui. Toujours en place, tout le verre qui passe son cerveau, oui. La dame, y'a l'enfant, oui, oui, oui, mais je suis flou, cache réellement. Bahalo, je suis âgé, oui. J'aime trop l'Espagne, c'est mon défaut. C'est bien dommage pour ta hacienda sur le dos. J'aime trop l'Espagne, c'est mon défaut. Rabat, c'est le clap, on est qui avait ma peau. J'ai affaire à des hypocrites, jamais je tolère. Changement d'humeur, tel un bipolaire. De moi c'est la de distance, j'fais du mal à personne. Qu'est-ce que je m'en tape de ton avis, y'a que la madame qui m'a raisonné. Fais ce que j'ai à faire, il en faut pour qu'on vénère. Changement d'humeur, tel un bipolaire. Au pays des boîtes, moi j'vais pas marcher tout droit. J'prends le meilleur des baveux, présent fait sans fait les lois.